Radiomatic. Cette 300e transmission d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique de Neotech et sa pièce Mind Traveling Part 1, apparaissant sur l'album Brain Over Muscle, paru en 1995. Même s'il s'agit d'un nombre symbolique, les sonoristes n'ont rien préparé de spécial pour cette 300e transmission, puisque chaque transmission est en soi une occasion spéciale de faire l'éloge des sons, qu'ils soient naturels, synthétiques ou issus de la société. Alors, bienvenue à cette autre transmission d'Audiomatique animée par les sonoristes qui n'ont rien d'autre à dire, si ce n'est que en avant la musique. by the thought of losing you. So very terrified. By the thought of losing you, stop telling me I don't want to know. Stop telling me I just don't ever, ever want to know. By the thought of losing you, absolutely horrified. Yeah. Cette séquence musicale à Audiomatic se terminait avec le groupe montréalais The Deers et la chanson Pinned Together, Falling Apart, enregistrée en concert et parue sur l'album Thank You, Goodnight, Sold Out, sorti en 2004. La version originale de Pinned Together, Falling Apart se retrouve sur l'album No Cities Left, lancé en 2003. Et précédemment à The Deers, il s'agissait du défunt groupe britannique Curve qui nous offrait la chanson You Don't Know, extraite de l'album Open Day at the 8 Fest, paru en 2001. Audiomatic se poursuit sur la musique du projet Reformed Faction. À Audiomatic, cette séquence composée d'une seule pièce était l'œuvre du projet Reformed Faction, regroupant les artistes Mark Spybe et Robin Story, qui, autrefois, faisaient partie ensemble de la formation Soviet France dans les années 80, avant de poursuivre chacun leur carrière solo avec Dead Voices on Air pour Mark Spybe et Rapoon pour Robin Story. En 2006, ils se sont rejoints de nouveau pour former le projet Reform Faction, duquel les sonoristes ont choisi de vous faire entendre la pièce Unlimited tirée de l'album Until, paru en 2010. C'est le projet Namanax qui mettra le point final à la transmission 300 d'Audiomatic avec Promethean Screams, une pièce apparaissant sur son dernier album intitulé Monstrous, paru en 1998. C'est mercredi prochain dès 17h que les sonoristes vous accueilleront à nouveau en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM pour la présentation de la transmission 301 d'Audiomatic. Nous tentons d'accommoder toutes celles et ceux qui ne peuvent pas écouter Audiomatic par la voie radiophonique en rendant disponibles toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic. Voici donc pour terminer Namanax et la pièce Promethean Screams. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you.